Parfois, sur une partition se glissent entre les notes des morceaux de nostalgie, des bouts d'insouciance. Comme si on se retrouvait à arpenter le quartier où on a grandi. C'est le cas de la chanson du jour. Aujourd'hui, on part en visite dans un des quartiers les plus célèbres de la musique. On va rencontrer Penny Lane. Et comme vous ne le savez pas encore, je préfère vous prévenir. On parle de reprise anglaise en langue française. Et ouais, bienvenue dans Quoi la base ? Non. We are in France. We speak French. Ok ? C'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. You are so French. Quoi la base ? Vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui on va parler Beatles. Est-il nécessaire de vous les présenter ? Beatles, auditeur. Auditeur, les Beatles. Et on va la faire en version courte. Les Beatles nous viennent d'Angleterre, de Liverpool précisément. Après avoir commencé à rouler leur boss à Hambourg, ils reviennent dans leur ville natale et squattent le Cavern Pub. En 1961, Brian Epstein, futur manager, les découvre et décroche un contrat avec George Martin, futur producteur, l'année suivante. Et paf, ça fait la Beatles mania. Des tas de disques, des tas de concerts et des tas de fans. Et la Beatles mania, ça peut être fatigant avec ce gros tas de tas. Donc après des concerts où ils ne s'entendaient même plus jouer, John, Paul, George et Ringo décident d'arrêter les tournées et de se concentrer sur le studio. N'ayant plus la contrainte technique de rejouer les morceaux en live, ils pourront repousser les limites de l'enregistrement. Ils entrent donc en studio fin novembre 1966 pour les sessions d'enregistrement qui deviendra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et je vous invite à descendre ici. Penny Lane, there is a bar showing photographs. Every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go, stop and say hello. C'est dans ce contexte que Paul McCartney écrit Penny Lane. Dans cette balade légère et pleine de nostalgie, McCartney se transforme en guide touristique pour nous faire visiter le quartier de sa ville natale. A l'époque, Penny Lane était une artère commerciale de Liverpool. Il y avait un dépôt de bus où les Beatles étaient obligés de passer pour se rendre visite les uns aux autres. Avant le tata, quoi. Alors McCartney a écrit cette chanson au piano et à la nostalgie pour se rappeler de cette époque. Comme il le dit dans le refrain, Penny Lane est dans mes yeux et dans mes oreilles. Là, sous le ciel bleu de la banlieue, je m'assois et je prends du recul. Mais la nostalgie, ça peut transformer les souvenirs. Dans sa visite guidée, McCartney nous présente aux commerçants du quartier. Le coiffeur, le banquier, le pompier, l'infirmière. Tout le monde se connaît. Et tout est écrit dans un style artistique et comique à la fois. Ce qui donne une visite surréaliste. Penny Lane, c'est une ouverture de comédie musicale en fait. La chanson a été enregistrée à Abbey Road entre décembre 67 et janvier 68. En plus du piano, de la batterie, de la basse et de la guitare, on peut entendre des hautbois, des cors anglais, de la contrebasse, de la flûte et du bugle. Vous voyez, repousser les limites de l'enregistrement. Mais surtout, Penny Lane, c'est un solo de trompette qui se démarque lors du pont. N'ayant pas écrit ce fameux solo, Paul McCartney aurait chanté ce qu'il imaginait pendant que George Martin retranscrivait la partition. Et ce fut David Mason, musicien du London Philharmonia, qui l'enregistra. La légende raconte qu'il aurait touché 27 lire 50 pour sa journée d'enregistrement. Les producteurs, inquiets de n'avoir rien sorti depuis août 1966, décident de sortir un single en février 67. Penny Lane étant finie, elle sera élue avec Strawberry Fields Forever pour former un double face A. Les deux chansons ont la même force et les radios les diffuseront toutes les deux. Bref, attiser l'engouement pour la sortie de l'album. Et malheureusement, aucune des deux chansons ne se retrouvera sur l'album au final. Mais Penny Lane aura tout de même sa place dans un EP, celui de Dominique Walter. Mais qui la baise est Dominique Walter ? C'est le nom de scène de Dominique Gruère, un chanteur français né à Paris en 1942. Vous ne devez retenir que deux choses de lui. C'est vraiment une chance qu'on ait fait connaissance. Lorsqu'aux dernières vacances, tu es venu en France. Tu es venu chez nous. Merde. La première, c'est qu'il était le représentant de la France lors du concours Eurovision de la chanson de 1966. Sa mère, Michèle Arnaud, avait participé à la première édition de l'Eurovision en 1956, représentant le Luxembourg. En 1966, elle fait partie du jury qui sélectionne l'interprétation de « Chez nous », titre présenté par son fils. Ah, les mamans ! Avec un point donné par Monaco, il termine 16e de la compétition sur 18 participants, les deux derniers ayant fait 0 points. C'est à l'époque le plus mauvais score de la France à l'Eurovision. Il n'empêche que l'on s'aime et qu'on peut sans problème se marier quand même, comme on le fait chez nous. La seconde chose à retenir, c'est qu'il a été un interprète de Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que Serge Gainsbourg lui a écrit 7 chansons, dont Les Petits Boudins, Plus dur sera le chut et La plus belle fille du monde n'arrive pas à la cheville d'un cul-de-jatte. Comment ? C'est simple. Sa mère chantait dans le cabaret où Gainsbourg jouait du piano quand Dominique était plus jeune. Ah, les mamans ! Dans mon agenda, quand j'en pique un petit boudin, je le mets sous mon bras jusqu'au matin. Ce petit boudin, ce petit boudin, ce petit boudin. Malheureusement, Dominique apprendra à ses dépens que chanter du Gainsbourg, ce n'est pas donné à tout le monde, car les textes de l'homme à tête de chou peuvent être plus ou moins controversés. Et ce n'est pas France Gall qui nous dira le contraire. Ses chansons lui donnent une image de chanteur peu sympathique, voire misogyne, qui mettra fin à sa carrière. Et c'est d'ailleurs sur l'EP d'une chanson de Gainsbourg, Les Petits Boudins, qu'on retrouve Penny Lane, en face B, en français. D'après une adaptation de Pierre Saka, le disque sort en mars 1967, soit un mois après celle des Beatles. Penny Lane, je t'ai connue chez un grand photographe. Pour toi la vie se résumait à des photos. Tu t'habillais vraiment comme il faut pour les grands journaux. Petit tailleur, ensemble gris et manteau de trois quarts. Chaussures vernies, robe de soirée, pantalon noir. Quand les projecteurs s'éteignaient, je te retrouvais bien changé. Penny Lane, tu sais la mode, ça se démode. Le temps passera, moi tu verras, je serai toujours là. Penny Lane, j'en ai assez d'errer tout seul le soir, de n'opposer que ma patience à tes retards. Abandonne un peu ces vitrines et les magazines. Musicalement, en un mois, on ne peut pas faire de miracle. C'est une version karaoké jouée par un orchestre. Voilà. Le solo devient une session free jazz où tous les instruments se donnent à cœur joie. Tant et si bien que l'oreille n'arrive pas à se fixer sur la moindre mélodie. Et ce n'est pas la seule chose qui change. Penny Lane n'est plus un quartier, mais un mannequin dont Dominique est amoureux et doit rivaliser avec son métier qui l'accapare. Dominique lui reproche donc de prendre tout ça trop à cœur et que finalement, la mode cesse des modes, mais que lui sera toujours là. Donc on a droit au champ lexical complet de la mode qui ferait pâlir de jalousie une publicité pour les grands magasins. Penny Lane n'est plus qu'une poupée qui ne reflète pas sa propre personnalité et qui refuse de vieillir. On est bien loin de la promenade bucolique des Fab Four. En soi, une reprise musicale doit être une réinterprétation d'une chanson. Que ce soit par la musique, le style, la façon de chanter ou le texte. Les artistes cherchent à s'approprier la chanson. Ici, Penny Lane est personnifiée afin de faire passer un autre message. Ce n'est plus un endroit où on prend du recul, mais elle incarne la superficialité, le fait de passer à côté des vraies choses. Penny Lane version Beatles n'atteindra jamais la tête du hit parade, de même que Strawberry Fields Forever, et ce sera la première fois en 12 singles. Étrangement, la version de Dominique Walter ne se classera pas du tout. Après tout, personne n'a jamais entendu parler d'une Penny Lane modèle de photo. Jusqu'en 1968, un an après, à la sortie du film Wonderwall de Joe Masso, on y retrouve Jane Birkin y jouant le rôle de Penny Lane, un modèle qui se fait épier par son voisin à travers les fissures du mur. Mais alors, qui la baise à changer Penny Lane en mannequin ? Dominique Walter a inspiré le film, ou le film en production a inspiré Dominique Walter ? Qui a écrit Johnny B. Goode ? Chuck Berry ou Marty McFly ?